Installez-vous confortablement, assis sur une chaise ou directement sur le sol, le dos bien droit et les pieds posés bien à plat, ou bien encore debout si cela vous est plus agréable, dans une posture bien droite également. Lorsque vous vous sentez parfaitement bien installé, vous pourrez alors fermer les yeux. À présent, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Inspirez à nouveau. Expirez. Une dernière fois. Laissez alors votre respiration reprendre son rythme naturel, puis tranquillement, portez votre attention sur le contact de vos pieds sur le sol. Ressentez le poids de votre corps. Lorsque vous respirez, à chaque expiration, visualisez des racines sortant de vos pieds. Et à chaque inspiration, ressentez l'énergie de la terre qui entre en vous. À mesure que vous respirez comme cela, visualisez vos racines prendre de plus en plus d'épaisseur et d'espace. Laissez vos racines s'étendre dans la terre jusqu'à occuper la surface du lieu dans lequel vous vous trouvez. Laissez-les s'étendre toujours plus loin, occuper l'espace souterrain de votre ville, département, région, pays. Jusqu'à ce qu'elle recouvre la terre entière. Visualisez vos racines s'enfoncer toujours plus profondément dans la terre à chaque expiration, jusqu'à ce qu'elles accèdent au noyau de la terre. Là, prenez autant d'inspiration dont vous en sentirez le besoin, en vous laissant remplir par l'énergie de la terre. Visualisez maintenant votre arbre, vous-même, se développer, grandir, s'épanouir et s'élever vers le ciel. Prenez conscience de votre place. Prenez maintenant une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Puis expirez tranquillement par la bouche. Puis, remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous et remerciez cet échange. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vais vous inviter à réouvrir les yeux, tranquillement, à votre rythme. N'hésitez pas à bouger un peu. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire cet exercice aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.